Chapitre 14. Devant cette porte close, et qu'elle ne pouvait pas ouvrir, Marthe resta fort en peine. Il ne fallait pas penser à sonner ou à appeler, et pour rentrer, elle était obligée d'attendre le matin. Mais alors elle devrait passer devant les domestiques, et elle ne pouvait le faire sans provoquer leur curiosité. Que chercherait-il en la voyant à 7 heures et en costume de voyage? Ce serait un déluge de bavardage, dont le flot sans doute remonterait jusqu'à sa belle-mère. C'était encore un obstacle qui se dressait devant elle. Il était donc écrit qu'elle ne pourrait rien faire de ce qu'elle avait résolu. Elle voulait fuir, elle était arrêtée. Elle voulait rester, elle ne le pouvait pas. Il fallait cependant prendre un parti. Mais l'état de trouble et de désarroi où l'avait jeté ce qu'elle venait d'apprendre lui enlevait toute liberté. Elle s'éloigna du château, et marchant dans l'allée à petits pas, elle tâcha de réagir contre l'émotion profonde qui l'angoissait. Ce n'était plus d'elle seulement qu'il s'agissait, ce n'était plus seulement de Philippe, de leur amour et de leur bonheur. Maintenant, la vie de son père, son honneur, son repos, était entre ses mains. Et pour porter cette lourde responsabilité, elle était sans force. Sa volonté était chancelante, sa raison bouleversée, alors qu'elle eût dû être, au contraire, ferme et sûre. Elle fit un effort contre elle-même et tâcha de raisonner. S'il rentrait au château, elle restait auprès de son père. Et le jour où celui-ci avait besoin de consolation, elle était avec lui. Là était l'avantage de cette résolution. Elle n'avait pas besoin de raisonner pour le comprendre. Ses sentiments, son amour pour son père, le lui disaient haut. Mais ce n'était pas tout. De voir le côté avantageux de la question, il fallait aussi voir le côté désavantageux. Comment pourrait-elle vivre désormais avec sa belle-mère? Exaspérée par la présence de M. de Mériol, serait-elle toujours maîtresse d'elle-même? Et le terrible secret qui venait de descendre dans son cœur ne montrait-il pas un jour dans ses yeux, s'il ne montait pas dans sa bouche? Pour le moment, elle se sentait une telle indignation contre sa belle-mère qu'elle n'osait pas répondre que la fureur ne l'emporterait pas un jour sur la prudence. Alors, qu'arriverait-il? Pour avoir voulu soulager la douleur de son père, ne lui porterait-elle pas le coup qui la ferait éclater? Pendant longtemps, elle marcha dans l'allée, agitant ses lourdes pensées, allant de l'une à l'autre et s'efforçant de les peser. Elle ne subissait plus l'influence de la nuit. Elle n'entendait plus la musique monotone des pins. Elle ne sentait plus le parfum des verveines et des héliotropes. Elle ne voyait plus rien autour d'elle qui l'inquiétât. Elle était descendue au plus profond de sa conscience et elle concentrait tout ce qu'elle avait d'énergie dans la lutte douloureuse qui s'y livrait. La vie venait d'ouvrir pour elle la porte de ses mystères les plus terribles. Elle était femme. La jeune fille qu'elle avait été jusqu'à 7 heures était demeurée dans sa chambre. Ce qui arrive souvent dans les situations extrêmes se produisait pour Marthe. Après avoir été 10 fois, 20 fois d'une alternative à l'autre, elle s'arrête enfin à une idée qui était une conciliation, une sorte de fusion, entre les deux parties opposées qui l'avaient si longuement et si cruellement agitée. Elle irait chez son grand-père, et comme elle serait là en communication journalière avec Bordeaux, elle reviendrait près de son père si celui-ci avait besoin d'elle. 2 heures sonnaient à l'horloge lorsqu'elle prit cette décision. Pendant plus d'une heure et demie, elle avait tourné sur elle-même sans avoir conscience du temps qui s'écoulait. Marthe n'était pas ordinairement matineuse et elle n'avait pas l'habitude de voir lever le soleil pendant cette saison. Elle ne savait donc pas trop à quelle heure précise il serait jour. À 4 heures, peut-être. C'était 2 heures à attendre. Comme elle était lasse, et d'un autre côté, comme elle ne voulait plus entrer maintenant dans le pavillon, elle alla s'asseoir sur un banc qui se trouvait dans l'ombre. Là, s'enveloppant dans son manteau et regardant le ciel pour voir si les étoiles pâlissaient, elle arrêta le plan de son voyage. De Châteaupignon à Gabas, où demeurait son grand-père, il y a en ligne directe 25 ou 28 lieues. « Marthe, tu peux faire cette route à pied. » Qu'elle eût entreprise, mais c'était folie d'y penser. L'affaire avec une voiture qu'elle prendrait dans le premier village qui se montrerait sur son chemin n'était pas un meilleur moyen. Car bien certainement, lorsqu'on s'apercevrait de sa fuite, on la ferait chercher, et il ne serait pas difficile de découvrir le voiturier qui l'aurait conduite. Celui-ci parlerait, et sur ses indications, on arriverait bien vite à Gabas. Ce qu'il fallait, c'était qu'elle tombât chez son grand-père, sans laisser de traces de son passage. Pour cela, elle ne voyait qu'un moyen, qui était de prendre un détour et d'aborder Gabas par le côté où elle ne pouvait pas arriver. Simple en théorie, ce moyen était assez compliqué en pratique, car s'il était assez facile de se rendre à Bordeaux et de là monter dans le chemin de fer de Bayonne qui la déposerait à une station au-delà de Gabas il était presque impossible de passer dans la gare Saint-Jean sans être reconnu. Le détour devait donc être assez long pour lui permettre d'éviter Bordeaux, c'est-à-dire qu'elle devait décrire une courbe à grands rayons autour de cette ville, en partant du nord pour arriver à Gavas par le sud. À l'époque où se passe ce récit, le réseau des chemins de fer du Midi était loin d'être achevé, et les grandes lignes principales étaient seules construites, celle de Bordeaux à Sète et celle de Bordeaux à Bayonne et à Bagnères-de-Bigorre. Marthe, décidée à faire un détour, arrêta qu'elle traverserait la Gironde à Blaye. De Blaye, elle se ferait transporter en voiture à Libourne. Là, elle prendrait la ligne de Paris jusqu'à Coutras. De Coutras, elle irait à Périgueux, de Périgueux à Agen, d'Agen à Toulouse, de Toulouse à Montregeau, de Montregeau à Bagnères en voiture, et enfin de Bagnères à Morceau en chemin de fer. De là, elle arriverait enfin à Gabas. C'était un détour qui lui ferait faire 6 ou 7 000 kilomètres au lieu de 25 lieues. Mais si on la cherchait, il y avait bien des chances pour qu'on ne trouvât jamais sa trace. Comment la suivre au milieu de ces changements de ligne, et si on ne la suivait pas méthodiquement, comment la rejoindre? Depuis longtemps, son père n'était pas venu à Gabas. En se traçant cet itinéraire, elle tenait ses yeux levés vers le ciel. Enfin, il lui sembla que les étoiles pâlissaient, tandis que ça et là, de grands raies claires coupaient les profondeurs de la nuit. En même temps, elle se sentit, malgré ses vêtements de laine, pénétrée par un froid humide. Au-dessus de la Gironde, flottèrent des vapeurs légères comme une fumée, et dans le silence profond, éclatèrent, à de longues distances, quelques cris d'oiseaux. C'était le matin. Du côté de l'Orient, une lueur jaune montait au ciel et s'arrondissait en grandissant rapidement. Elle ne devait pas se laisser surprendre par quelques jardiniers matineux. Elle quitta son banc, et après avoir longuement regardé le château, elle se dirigea vers le chemin qui devait la conduire hors du parc. Ses yeux étaient obscurcis par les larmes qui les emplissaient. Mais sa résolution était bien prise cette fois, et rien ne l'arrêterait désormais. Pendant 1 heure à peu près, elle marcha à travers les vignes dans les sentiers mouillés de rosée, et elle arriva au village où elle voulait prendre une voiture au moment où l'Angélus sonnait. Les portes des maisons s'ouvraient, et déjà dans la rue, les paysans allaient et venaient en se disant bonjour. En la voyant passer, ils s'arrêtèrent, et à mesure qu'elle avança, elle entendit derrière elle un murmure de voix de plus en plus fort. Évidemment, elle faisait révolution dans le village. Elle prit son courage à 2 mains, et apercevant un gros bonhomme, qui les mains dans ses poches, la regardait en souriant, elle s'approcha de lui et lui demanda où elle pourrait trouver une voiture pour la conduire à Blaye. « Une voiture pour conduire une dame comme vous, il n'y en a pas chez nous. Je ne tiens pas à la beauté de la voiture. Une carriole avec un bon cheval et un conducteur me suffit. Il faut que le cheval soit bon. Vous êtes pressé pour l'or? Si je me suis levé 6 matins, c'est que je n'ai pas de temps à perdre. Juste ça, on a ses affaires. C'est pour une affaire que vous allez à Blaye. » Marthe n'était pas en disposition de faire de longues conversations ni d'humeur à subir des interrogatoires. Cependant, elle ne pouvait pas tourner le dos à ce paysan curieux et bavard dont elle avait besoin. « C'est pour une affaire pressée, » dit-elle. « Un parent malade, peut-être ?»« Oui, justement. »« Vous avez eu de mauvaises nouvelles ?»« Oui, et c'est pour cela que je voudrais tout de suite trouver cette voiture. »« Je comprends ça. »« Je crois bien que le fils à l'Agenais pourrait vous conduire. Je vais vous y mener. » Car vous ne savez pas où il demeure, bien sûr, vous n'êtes pas d'ici. » Ils se mirent en route pour aller chez le fils à l'Agenais. Mais à chaque pas, ils s'arrêtaient, et toutes les personnes qu'ils rencontraient, le paysan racontait qu'ils allaient chez le fils à l'Agenais pour lui demander sa carriole. « C'est pour conduire cette jeune dame à Blaye, parce qu'elle a un parent malade, et elle a reçu de mauvaises nouvelles, elle est pressée. » « Le fils à l'Agenais, il n'y a que lui qui peut faire ça, et il ne le fera pas. » Et une discussion s'engageait pendant laquelle le temps s'écoulait. On appelait un voisin ou un passant, et on le prenait pour juge. Bientôt, tout le village sut qu'il y avait une jeune dame qui cherchait une voiture pour aller à Blaye, et Marthe, qui avait les oreilles ouvertes, saisit bientôt, ça et là, quelques mots au passage, qui lui prouvèrent qu'elle était reconnue. « Je te dis que c'est elle. Si c'est elle, elle ne viendrait pas chercher une voiture ici, elle a ses chevaux. Et s'il ne veut pas s'en servir, pourquoi elle ne se servirait pas de ses chevaux? Ah, pourquoi ? Et puis, elle ne se promènerait pas toute seule à 5 heures du matin. Je ne la connais pas, peut-être. » Marthe comprit alors qu'elle avait eu tort de ne pas profiter de la nuit pour marcher et s'éloigner davantage de Châteaupignon. Dans ce village, en effet, il y avait de grandes chances pour qu'elle fût connue, et elle l'était. Cela était mal commencé. Heureusement, si on la cherchait, on irait tout d'abord à Pressac, et l'on ne viendrait à ce village qu'après avoir exploré tous les autres. En se hâtant, elle pouvait prendre assez d'avance pour échapper à cet inconvénient. Mais là, précisément, était la difficulté. Les paysans ne se hâtent pas, et ceux du Médoc, comme ceux de tous les pays, vont comme s'ils avaient l'éternité devant eux. Avant de décider le fils à la genêt, il fallut échanger des milliers de paroles inutiles, puis, quand on fut d'accord, il fallut qu'il fît manger son cheval. Il était 6h30 quand Marthe monta dans la carriole, au milieu du concours de curieux qui la regardait en s'entretenant. Dans 2 heures au château, on s'apercevrait de sa fuite, le cheval parti au grand trot, elle eut bon espoir.